je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard. On se méfie du fil de l'eau. Mais c'est toujours la tendre guerre. À la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Nostalgie au cœur des 60s avec Nostalgie 60. Nostalgie 60. Les 60s, comme si vous y étiez. Le meilleur des 60s, 24h sur 24. Nostalgie 60. Nostalgie. Nostalgie 60. La décennie de vos plus beaux moments. Nostalgie.

60. La radio de vos années préférées. Nostalgie. I'll tell you right now, and it's triggering.